Le rassemblement au niveau central, consacré au 70e anniversaire de la publication de la loi sur l'égalité des sexes par le président Kim Il-sung, a eu lieu le 29 juillet au Palais de la culture du peuple à Pyongyang. Y ont pris part Choi Ryong-hae, membre du comité permanent du bureau politique et vice-président du comité central du Parti travail de Corée et autres cadres intéressés, les officiels des ministères, des établissements centraux et de la ville de Pyongyang, les héroïnes, les femmes qui avaient rencontré les grands leaders et les travailleuses. Dans son rapport, Choi Ryong-hae a dit que la loi sur l'égalité des sexes, publiée le 30 juillet de l'an 35 du Jeudi 1946 par le président, était le programme original pour l'émancipation et le mouvement des femmes, et que grâce à cette loi, les femmes coréennes ont les mêmes droits que les hommes et sont devenues maîtres dignes de la société chargées d'une des deux roues de la révolution. Il a ajouté que les exploits mortels de Mme Kang Ban-suk, éminente dirigeante du mouvement des femmes coréennes, et de Mme Kim Jong-suk, héroïne anti-japonaise, sont aussi empreints dans la lutte pour la réalisation de la cause originale d'émancipation des femmes. Il a continué que le général Kim Jong-il a défendu fermement et fait briller les idées et exploits du président accomplis pour la solution du problème des femmes et formé toutes les coréennes en révolutionnaires fidèles de l'époque de Sun-gun. Il a souligné qu'aujourd'hui, l'histoire de l'amour et de la confiance des grands leaders qui ont formé les femmes en puissante force continue de génération en génération sous la direction du maréchal Kim Jong-un. Il a appelé toutes les femmes à honorer à jamais le président Kim Il-sung et le général Kim Jong-il comme leader éternel du Parti travail de Corée et du peuple coréen et soleil du Jeudi, et à défendre fermement leurs exploits immortels d'avoir consacré tout pour la dignité souveraine, les droits, la vie de valeur des femmes.